بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قد انتهينا من الدروس حول الحروف الجر. طيب عندك يا أخي حروف الجر التي أخذناها ما هي؟ في على على من من من إلى إلى. طيب من ماذا تفيد؟ كل سنس على من؟ من rapprochez-vous aussi, rapprochez-vous, il y a de la place là, personne là-dedans. Mets-toi là, plus on essaie, mieux ça. Ça change de début. En arabe, comment on dit? Début? Min. Ouais. Début, en arabe. Ouais. Al-Ibtida. Ouais. Al-Ibtida. Taïe, Wafi. Darfiya. Darfiya. Très bien. Wa'ala. Isti'ala. L'isti'ala, ça veut dire sur ou dessus. Et le troisième, c'est quoi? Ila, c'est-à-dire en arabe, intiha. Al-intiha. Taïb, Inch'Allah. Wa madha ta'amal, hadi l'hurouf? Qu'est-ce que ça fait dans ce rôle? Ça dépend. Ça dépend. C'est pour, soit pour dire que le truc est sûr, soit hein? C'est pour envelopper. Quand c'est le sens, là. Ouais. Ça demande quel travail elle fait ou quel sens il a? Mais des fois, ce travail, c'est qu'après, ce qui va succéder, c'est soit un nom, c'est pas ce que tu as le travail, le travail de ces hurufs. D'informer ce qui va frapper, l'information. T'as compris ma question? Mada ta'amal fi ila min ala. Ça va donner le sens de la phrase. Taïb, et toi, c'est quoi, quel travail ils font? Ça va donner une kusra au ism. Très bien, c'est-à-dire le ism d'après, il sera un majrour. Mithal. T'as compris la réponse du frère? Le kasra, c'est le. C'est ce qui va arriver là. Le frère va dire à Baout. Fil masjidi. Un bel exemple, frère, parlez bien. Fil masjidi. Al waladu dhahaba ila al masjidi. Taïb. Dhahaba al waladu ila al masjidi. C'est mieux de commencer avec le verbe. Taïb. Khaz verbal. Dhahaba al waladu ila al masjidi. La cause du kasra ici, c'est quoi? C'est le min. Ila. Ila. Taïb. Celui qui peut. Parler en arabe, qui parle, Inch'Allah. Taïb. Barakallahu fik. Taïb. Il a le masjidi. Le masjidi, on a harf, ism ou fi'l. Vous avez compris la question? Il a le masjidi. Essayez d'apprendre là. Je l'ai répété plusieurs fois. Le masjidi, c'est un harf, c'est un ism ou c'est un fi'l? C'est-à-dire, est-ce que c'est un nom, une lettre ou c'est un verbe? Taïb. Comment vous avez su? Il a, le harf al-jar, il a également. Alif wal-lam, également. La terminaison. La kasra. Parmi ces trois signes, c'est lequel le plus fort, Ayman? Le harf al-jar, ahsan. Limada, pourquoi? Le frère Ayman, il a bien répondu. J'ai dit au frère Saber, ذهب الولد إلى المسجد. المسجد هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ فقال هو اسم. والدليل على هذا. Le dalil c'était quoi? C'est que devant المسجد il y a un harf al jar. Également il y a alif wa lam. Également il y a un kasra. Et j'ai demandé à Ayman quel est le signe le plus fort, c'est-à-dire parmi ces trois signes-là. Il a dit c'est la kasra. J'ai demandé pourquoi. Je l'ai dit ça. Un deux. Parce que dans un, c'est un nom, il y a un nom, il y a, dans un nom il n'y a qu'un kasra et dans un verbe il n'y a pas de kasra. Très bien, c'est-à-dire quoi? On avait dit que la kasra c'était un signe spécifique que pour le ism. On ne trouvera pas un verbe avec une kasra. On avait dit quoi? Que le ism et le verbe ils vont se ressembler dans quoi? Dans les terminaisons. Dans la damma et dans quoi? Et dans la fatha. C'est-à-dire on peut trouver un ism. Tu dis dahaba zaydoun, zaydoun yadhabu. Vous me suivez là? Tu dis dahaba zaydoun et tu diras quoi également? Vous suivez là par rapport à quoi? À la fatha, tu diras également Zarabtu Zaydan. Vous voyez là, Zaydan également, il y a Meftouh, mais tu diras pas Zahabi. C'est compris ça? La kasra khas bil asma. Et on verra la sukun khas bimada bil af'al. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans le livre numéro 2. Que la sukun, on trouvera que dans le verbe المجزوم par exemple tu dis لم يلد ولم يولد ها لا سورة قل هو الله أحد vous dites quoi لم يلد أو لم يلد أو لم يلد لم يلد il y a une secoune hein? Et le secoune là من خصائص من الفعل il n'y a pas de mot où il y a une secoune vous avez bien compris ça oui بارك الله فيكم Comment on dit l'école, une école Madrasa. Madrasa. Madrasa quoi Tout, ta, ti Madrasa. Pourquoi tu dis tout Tu dis pas ti Madrasa tout. Soyez sûr de vous, il ne faut pas paniquer les frères. Si tu dis Madrasa tout, pourquoi Si tu me dis Al-Madrasa tout, pourquoi Et si tu me dis Al-Madrasa ti, pourquoi Quelle que soit la réponse, vu qu'ils me disent pourquoi tu as dit ça. Comment on dit l'école Pourquoi tu n'as pas dit Al-Madrasatun ou pourquoi tu n'as pas dit Al-Madrasati? Moi, je veux voir. Pourquoi je dis ça? Je veux voir si vous comprenez quand vous parlez. Parce que de temps en temps, ça peut être lancé comme ça. Avec une salam. Ça évite les frères comme ça. Ça. Tu m'as dit l'école. L'école. C'est-à-dire, si moi je te dis l'école, c'est-à-dire qu'entre moi et toi, on sait de quelle école on parle. C'est-à-dire que tu as dit Al-Madrasatun. Voilà. Tu dis pas le madrasatun, pourquoi? Parce qu'il y a l'ifolam. Et pourquoi tu dis pas le madrasati également? Ouais. Non, devant. Ouais. Le hafjar, il n'est pas derrière. C'est compris ça? Ce serait bête, on peut dire c'est bête comme question, mais le fait que tu sais répondre, maintenant je vois que tu as compris. Tu n'as pas dit al madrasatun, ni mada, ni anubi, au jeu d'alifolam. Le ta'rif, le mot, il ne peut pas être ma'rifa et nakira. Ou al madrasati. ما يمكن أن تقول المدرسة لماذا لعدم وجود ماذا حرف الجر. Tu peux pas dire المدرسة دي car il y a rien qui nous permet de le rendre مكسور. C'est-à-dire de lui mettre une كسرة. Vous avez bien compris ça inshallah. Si tu as compris ça, tu penses que c'est bête. Mais ça te permet déjà de pouvoir commencer une phrase. Vous avez bien compris ça? Même si devant toi, il n'y a pas les terminaisons, maintenant tu sais que s'il n'y a pas de حرف الجر, il n'y a pas à dire le son i. Vous avez compris ça? Et s'il y a alif ou lam, il n'y a plus le son un. Alors on dirait quoi? Al madrasatu. Vous avez compris ça? Alors que s'il n'y avait pas alif ou lam, il y aurait quel son? Le son du tanwin. Comme s'il y avait un nun à la fin. Kitabun, madrasatun. Vous avez compris? Waladun, masjidun. Hein? Ça c'est quoi? Yuntaq walakin la tuktab. Ça, ça se prononce, mais quand tu vas écrire, tu ne mets pas un nun. Vous avez bien compris ça? Barakallahu fik. Et comment on dit une classe, Saber? Faslun. Taïb? Naam. Salle de bain. Très bien. Les WC. Très bien. Mirhadun. La cuisine. Hein? Un voix au terme, Abdelkali. Mat. خون مطبخ خون نعم خا نعم نعم كم دين بياس تبيت دون كولا مسجد تبيت دون مسجد اسمه tu dors où là en ce moment انا غرفه vous dites trop vite je sais pas نعم كم دين université جامعه très bien ما شاء الله le marché le Japon, le Yaban, la Chine, la Chine, l'Inde, la Philippine, directeur, Moudirun, le verbe partir, Rah, et en Kabyle, comme je dis, tu me parles en lahja là. Allah yedik. Khajra. Khajra. Mohamed, je t'ai dit, il ne faut pas faire exprès, Allah yedik. Non, je ne fais pas exprès. Rah. Ah, le mot, c'est pas, on n'a pas étudié Rah, Allah fadak. Non, c'est vrai, Mohamed. Al-Jazam, Indin, c'est l'Aman, ils disent, les salafs. Il se peut que demain, tu donneras cours quelqu'un fera exprès comme toi de faire rire les frères, tout ça. Tu vois? Mais c'est plus que parmi les frères, elle va me dire, moi je patiente plus. Il faut que le frère, il sorte du cours. Là, je ne fais pas exprès, mais c'est sérieusement. On te fait confiance. Bon, là, je ne fais pas exprès. Bon, là, je fais pas exprès. Vas-y, tu fais plus exprès. C'est-à-dire, tu le faisais avant, là. Taïm, comment on dit partir à Mohamed? Dahaba. Le verbe sortir? Kharaja. Kharaja. Taïm. Bismillah, on commence la leçon. Ad-darsul khamisou.